Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 54e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Oberlin. Monsieur Oberlin, bonjour à vous. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe Oberlin, vous êtes médecin spécialisé en microchirurgie nerveuse et chirurgie de la main à l'hôpital Bichat à Paris. Je ne suis plus à l'hôpital Bichat à Paris. Ah, vous êtes où désormais ? J'ai pris un petit peu de distance avec l'hôpital public et je suis installé en secteur 1, c'est-à-dire gratuit pour les patients qui ont l'aide médicale, la sécurité sociale dans le secteur privé. D'accord. Vous étiez également jusqu'à il y a peu professeur de médecine à l'université Paris 7 Diderot. J'ai toujours le titre, mais je ne dirige plus des enseignements, je participe à des enseignements de collègues. D'accord. Mais depuis une trentaine d'années, vous réalisez des missions humanitaires dans de nombreux endroits du monde, et plus particulièrement en Palestine depuis 2001, et notamment dans la bande de Gaza, où vous étiez présent lors de l'opération Plomb durci en 2008-2009. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, citons « Survivre à Gaza », publié en 2009, « Chronique de Gaza », publié aux éditions Résistance en 2011, « La vallée des fleurs » avec Samer Moudad, publié en 2013, ou encore plus récemment, en 2014, avec Éric Bonnier, « Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Vous avez vous-même connu quelques déboires avec l'Ordre des médecins, nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs. Mais avant cela, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour professeur, bonjour Vincent, bonjour à tous. Xavier. Monsieur Oberlin, pour nos auditeurs qui vous découvriraient avec cette émission, d'où venez-vous? Quel est votre parcours? Bon, mon parcours, c'est un parcours de petit bourgeois. Hein. Je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'ai manqué de rien. J'ai toujours voulu faire chirurgie, la technique chirurgicale est quelque chose qui m'intéresse. Et dès que j'ai eu la chance de pouvoir être formé, j'ai considéré que mon domaine n'était pas simplement d'opérer dans l'Hexagone. Vous avez mentionné tout à l'heure que j'avais fait des missions en Palestine depuis 15 ans. Je continue d'ailleurs 3 fois par an, mais je suis allé dans une vingtaine de pays différents. Opéré régulièrement, en particulier j'ai fait une cinquantaine de missions en Algérie pour former des chirurgiens algériens pour opérer, j'ai des élèves, j'ai une dizaine d'élèves là-bas qui font un travail considérable dans le domaine qui n'est pas tant celui de la microchirurgie mais celui de la chirurgie des paralysies. Et la chirurgie des paralysies, c'est un peu le parent pauvre de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie de l'appareil de locomoteur. Tout le monde connaît les prothèses, il y a énormément de patients opérés, mais il y a des choses plus compliquées à opérer, qui sont plus rares, mais il y en a beaucoup, ce sont les paralysies. L'exemple typique, c'est les paralysies du plexus brachial. Tout le monde connaît Jamel Debbouze. Jamel Debbouze a une paralysie complète, très ancienne, du plexus brachial. Il y a eu sans doute cette paralysie, à une époque on ne l'opérait pas. Et aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès, aussi bien dans ces paralysies traumatiques, liées aux accidents de moto essentiellement, que dans les paralysies de naissance. Les enfants, on tire un peu trop fort sur les bras au moment de l'accouchement, ils se retrouvent avec une paralysie. Donc c'est cette chirurgie spécialisée que j'enseigne et que je pratique à l'étranger, et en France aussi. Pourquoi avoir choisi la médecine, initialement ? Écoutez, ça, je crois pas qu'il y a de réflexion métaphysique à avoir. Je voulais travailler au contact des gens qui en ont besoin et j'ai un petit peu hésité à faire agro, vous savez, aller. J'étais attiré par les pays du monde. Vous voyez, quand j'étais petit, à Noël, je demandais des cartes du monde, je demandais des cartes de région que personne ne connaissait, vous voyez, puis je regardais, et puis je voyais un nom, une petite baie au fin fond de Mourmansk, et je me disais, ah, oh, j'aimerais aller là-bas, et personne ne sait que ça existe, et moi j'ai envie d'y aller, vous voyez. J'ai toujours été attiré par l'extérieur, hein, par la planète globale, et finalement, quand on est médecin, c'est une très très bonne porte d'entrée. Alors vous êtes médecin, vous effectuez des missions humanitaires partout dans le monde, est-ce que vous inscrivez votre action dans le sillage de Bernard Kouchner ? Là, écoutez, oui, là vraiment, vous savez, moi, j'ai pas tellement d'amour propre et vous voyez, quand j'avais 16 ans, 18 ans, bah, j'ai été comme tout le monde intéressé par le personnage, bien entendu, j'en suis énormément revenu, vous imaginez bien. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que je faisais de la chirurgie humanitaire ou de la médecine humanitaire. Bon, aujourd'hui, je sais toujours pas ce que ça veut dire humanitaire. Humanitaire, c'est pour les hommes. Oui, d'accord. Bah, tout ce qu'on fait, c'est pour les hommes. Est-ce que c'est désintéressé? Bon, il y a beaucoup de gens qui font de l'humanitaire et qui sont payés pour ça. Et pourquoi pas? Et puis ça pose la question de l'humanitaire, bras humanitaire finalement des politiques. Et là, on tombe en plein dans la politique, avec l'excellent livre de mon ami Jean Bricmont hein, sur l'ingérence humanitaire. Alors, je tape pas trop sur l'humanitaire parce que l'humanitaire, c'est des personnes, c'est des individus qui prennent des contacts avec l'extérieur, qui tissent des relations, et ces relations sont capitales. Vous voyez, l'un des problèmes, l'une des barrières qu'il y a entre Israël et les territoires où il y a encore des Palestiniens, enfin, il y en a en Israël aussi, mais ce que je veux dire, l'une des lois, c'est qu'il est interdit à tout juif israélien de se rendre en Palestine. Pourquoi non pas pour des raisons de sécurité hein. Il y en a un jour qui faisait du parapente, il a atterri par erreur en Cisjordanie, pensait qu'on allait lui couper la tête, il était invité à manger des petits gâteaux. Bon. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Tout simplement parce qu'on ne veut pas que les gens tissent des liens personnels, parce que quand on tisse des liens personnels, eh bien ça change tout. Aller voyager, connaître des régions du monde qu'on ne connaît pas, rencontrer des personnes qui ne raisonnent pas pareil et se poser la question sans jugement, comment se fait-il, pourquoi, comment, tout ça c'est quelque chose de passionnant. Je pense que nos dirigeants qui ne voyagent pas, qui n'ont jamais vécu à l'étranger, qui pour certains ne parlent même pas l'anglais, vous voyez, je pense que ces gens-là, il leur manque les trois quarts de leur éducation. Même s'ils peuvent passer leur vie dans des avions et des aéroports. Absolument, ça ne donne aucune idée des pays qu'on traverse, bien sûr. Alors, où êtes-vous parti en mission ? Oh, je suis parti dans des tas d'endroits. Disons que j'ai attendu d'avoir une formation chirurgicale suffisante pour pouvoir opérer sans honte, sans faire de catastrophe. Je suis d'une génération où il y avait encore un service militaire, et j'ai fait mon service militaire en coopération dans un petit village de Centrafrique complètement perdu, où il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité, encore moins le téléphone. Donc ça a été une année assez dure, d'ailleurs, parce qu'avec de grosses responsabilités. Mais là, j'ai connu les Centrafricains, j'ai pris la suite de celui qui faisait la chirurgie dans l'hôpital où j'ai débarqué, qui était le maçon du coin. Figurez-vous que c'était le maçon. Parce que dans ces coins-là, eh bien, quand il y a des césariennes à faire au dernier étranglé, eh bien, c'est celui qui est là, qui a appris et qui fait. Donc on apprend énormément, et j'ai toujours encouragé mes étudiants d'ailleurs à voyager, à aller voir, de façon à avoir un regard critique quand on revient, quand on voit les gaspillages énormes qu'on fait dans notre médecine, dans nos hôpitaux, parfois pour rien, même souvent pour rien, eh bien ça donne une mesure de ce que les autres n'ont pas. Quand êtes-vous parti pour la première fois en Palestine ? Alors, en Palestine, c'est 2001, c'était en décembre. C'est mon ami Marcel Francis Kahn, qui était professeur de rhumatologie à Bichat. Et moi, j'étais à l'étage au-dessus. J'étais professeur d'orthopédie et d'anatomie à l'étage au-dessus. Il m'a dit, écoute, je suis en Palestine, avec ta spécialité, les nerfs, les plaies, les gros traumatismes, ça pourrait être utile. Donc, je suis parti avec lui et avec un troisième personnage mythique, qui est François Maspero. Et donc, ça a été une équipe tout à fait passionnante. Et une équipée passionnante. Et dès que je suis arrivé là-bas, les chirurgiens palestiniens me sont tombés dessus parce qu'ils savaient ce que je faisais comme type de chirurgie. Ils disaient, nous, on ne sait pas faire, les paralysies, on ne sait pas faire, les nerfs, on a essayé de réparer, ça ne marche pas. Et ils sont arrivés avec des listes. Ils avaient des listes énormes de patients, des jeunes de 18 ans, qui s'étaient fait tirer dessus, qui avaient des paralysies sciatiques, plexus brachial, et qui attendaient pour intervention. Vous avez évoqué les noms de Maspero et de Marcel Francis Kahn. Est-ce que pour vous, l'engagement pro-palestinien va de pair avec un engagement à gauche ? Alors, c'est une bonne question, car moi, je discute avec tout le monde, j'essaye en tout cas, et je me suis aperçu que l'engagement pro-palestinien était totalement réparti sur l'éventail politique, encore même que l'éventail politique aujourd'hui, il est bien difficile d'en parler parce que, en fonction de chaque dossier, on s'aperçoit qu'il y a des positions complètement différentes à l'intérieur des mêmes partis. Je crois que les partis quasiment n'existent plus aujourd'hui. Bon, donc sur chaque dossier, il faut discuter. Et par exemple, au cours de ces 40 ou 50 missions, on a eu énormément de difficultés, notamment avec la partie israélienne, parce qu'on a pu passer par l'Égypte pendant une période très limitée, et la plupart du temps, c'est par Israël. Eh bien, le politique qui nous a soutenus, mais de façon constante et qui est allé loin, c'est Étienne Pinte. Étienne Pinte, qui était, maintenant il est retraité, il était député-maire de Versailles pendant une trentaine d'années, Et c'est une figure qui, sur des dossiers comme la Palestine, sur des dossiers comme les Roms, est quelqu'un d'un humanisme extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il a des responsabilités aujourd'hui dans un grand organisme social. Et Étienne Pinte n'hésitait pas, quand on était coincé à l'entrée de la bande de Gaza, à poser une question à l'Assemblée nationale. L'ambassadeur d'Israël a été convoqué, etc., etc. Donc Étienne Pinte fait partie des gens qui vraiment se sont battus. Et depuis qu'il a quitté l'Assemblée, d'ailleurs, je ne sais pas très bien qui l'a remplacé à ce niveau-là. C'est inquiétant. On a, vous le savez, au Parlement, un député israélien. Vous le savez, ça. Je le raconte un petit peu dans ce bouquin, le chemin de la cour, la cour pénale internationale pour Israël. Meir Habib, pour ne pas le nommer. Voilà, mais Meir Habib, je dirais que c'est la conséquence. Ce qu'il faut voir en amont, c'est cette circonscription électorale des Français de l'étranger, l'une des 10, qui a été taillée sur mesure pour Israël. Avec Chypre, le Vatican, etc. Donc on est certain, mécaniquement, surtout quand M. Netanyahou fait campagne pour Meir Habib, on est certain que nous avons un député d'extrême droite israélien au Parlement. Et les médias, vous le savez, bien, quand il se passe quelque chose du côté d'Israël-Palestine, on va interroger le député qui s'en occupe. Ça, c'est une situation de fou. Moi, j'en veux pas tant à Meir Habib qu'à ceux qui ont fait ce découpage électoral. Au contraire, cela dit, puisque toutes ces interventions sont tellement contre-productives qu'elles feraient presque avancer la cause palestinienne. Alors effectivement, on peut dire les choses comme ça. Oui, je crois qu'il est aussi impliqué dans du côté de la taxe carbone, pas mal, effectivement. Mais bon, je ne crois pas qu'il faut, globalement, là c'était un cas, Henri, mais se réjouir de la décrépitude de la classe politique. Je crois que c'est un énorme problème, on le voit avec les événements actuel, c'est dramatique. On arrive à la fin d'un cycle où le citoyen lambda va finir par ne plus aller voter, quoi. C'est quand même inquiétant, je crois. Oui, et puis un député qui assumerait une position, disons, gaulo-mitterrandienne d'équilibre au Moyen-Orient serait immédiatement traité d'antisioniste, donc d'antisémite. Est-ce qu'on arrive à un stade où plus aucun homme politique n'assume cette position, le meilleur exemple étant Manuel Valls, qui a longtemps été le député le plus pro-palestinien de l'Assemblée nationale. Alors j'ai vu récemment Benoît Hamon qui essayait de récupérer ce créneau, mais on voit bien qu'il s'agit d'une posture. Oui, alors moi je dirais Manuel Valls appartient au passé, hein. Il appartient vraiment au passé du passé, même s'il est là aujourd'hui. Je reste optimiste, moi je crois que ce chantage à l'antisémitisme craque de partout, je crois que le comportement israélien, ça saute aux yeux maintenant, tout ça, ça craque, vous voyez, quand il y a un ministre de l'Intérieur, ex-ministre des Affaires étrangères, qui dit il faudrait décapiter à la hache les Israéliens qui soutiennent le boycott des produits israéliens, je veux dire, on atteint de tels niveaux de décrédibilisation que je crois que ça va changer. Franchement, je crois que ça va changer. D'autant plus que dans l'opinion publique, le soutien est resté constant dans toutes les enquêtes d'opinion. 80% des sondés se disent toujours plutôt pro-palestiniens. Alors tout à fait, c'est intéressant. Il y a très très peu de sondages, vous avez étudié sans doute, mais moi j'ai vu ça sur une quinzaine d'années, et on voit très progressivement se déplacer l'opinion en direction en faveur des Palestiniens. Je crois que c'est une question que les sondeurs n'osent quasiment plus poser aujourd'hui. Ce qui participe du fossé entre les élites et les populations. Absolument, absolument. Alors, professeur, quelle est la situation à Gaza aujourd'hui ? Alors, la situation à Gaza, elle est très difficile sur le plan économique, puisque vous savez que Gaza est boycottée, encerclée. Elle s'est aggravée de manière très brutale avec le coup d'État en Égypte en juillet 2013, en ce sens que par l'Égypte, par les tunnels, parvenait toute une série de biens qui participaient de l'emploi privé, et surtout l'administration locale prélevait des taxes qui permettait de payer exactement le salaire des 40 000 fonctionnaires. Donc il y avait une fonction publique avec des gens rémunérés, normalement, à leur niveau, et puis un emploi privé qui fonctionnait, et cet emploi privé, la locomotive, c'était bien entendu la reconstruction. Juste une petite pique, tout à l'heure, vous avez parlé de l'opération Plomb durci. Je dois dire que quand on est sur le terrain, jamais, jamais les Palestiniens n'utilisent la terminologie de l'ennemi, de l'agresseur, pour parler de ces guerres. Ils parlent de la guerre de l'hiver 2008-2009, de la guerre de 2012, de la guerre de 2014. Vous voyez, quand vous dites Plomb durci, je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais si vous parlez d'opération Paix en Galilée, par exemple, vous voyez, pour parler de la guerre du Liban, c'est quand même un drôle de qualificatif. Donc je crois qu'il faut vraiment... C'est parti, la propagande. Voilà, il ne faut pas se laisser avoir jusqu'à ce niveau-là. Alors justement, Plomb durci, donc la guerre de 2008-2009, puisque vous y étiez, racontez-nous s'il vous plaît. Bah écoutez, ça a été une guerre qui... on a réussi à entrer parce que, en gros, il y avait des gens du côté du ministère des Affaires étrangères français qui étaient d'accord pour nous aider à entrer, sinon on n'aurait jamais pu entrer. Et ça, soit dit en passant, c'est pas inintéressant de voir que au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du consulat de France à Jérusalem, il y a des fonctionnaires et que ces fonctionnaires, parfois, sont en opposition complète avec la ligne de leur ministre. Il y a quand même, vous voyez, et on les découvre, ces personnages, on s'appuie sur eux. Vous voyez, on est bien content qu'ils soient là. Donc, je ne vais pas vous raconter les petits secrets, mais il y a des gens qui sont bien contents de glisser des pots de banane à leur ministre. Et à cette occasion, on a eu la possibilité d'entrer à Gaza. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière remarquablement organisée. Et ce que je dis là, c'est pas gratuit, c'est pas simplement mon sentiment. Figurez-vous que ces guerres terribles, où il y a des afflux de blessés massifs à certains moments donnés, où il faut être en capacité de les traiter dans l'extrême urgence, eh bien, où a-t-on la meilleure expérience dans le monde, peut-être, aujourd'hui, c'est à Gaza. Avec 3 guerres en 6 ans, avec des hôpitaux équipés, avec des chirurgiens extrêmement compétents. Moi, si demain j'avais une plaie du cœur, je souhaiterais que ça soit à Gaza que ça se passe, parce que je sais que j'irais directement au bloc opératoire, je sais que le chirurgien arriverait en même temps que moi, parce que là-bas, ils sont informatisés, tout ça fonctionne, et autrement dit, ils ont des leçons à nous donner. Et c'est vrai, même au niveau scientifique, puisque les dernières guerres de Gaza, eh bien, ont fait l'objet de publications sur l'accueil, le traitement des blessés en urgence, dans l'une des meilleure revue médicale mondiale qui est le Lancet. Vous voyez, le Lancet, on peut lui rendre hommage, a accepté des articles scientifiques de Gaza qui ont permis justement, au cours de ces 3 dernières guerres, eh bien, d'améliorer le taux de mortalité, le taux de survie des blessés. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation en Cisjordanie, puisque vous y allez depuis 15 ans, il me semble? Alors, la Cisjordanie, j'y suis allé simplement 4 ou 5 fois pour un temps limité, donc je ne connais pas aussi bien de l'intérieur, mais j'ai quand même des amis très proches qui y sont, et ce que je sais, c'est qu'il y a une très grande différence dans la psychologie des habitants de Cisjordanie et celle de Gaza. À Gaza, on vit dans un territoire libéré. On vit, j'ai connu l'époque avant 2005 où 30% de Gaza, c'était des colonies israéliennes. Il y a des jours, c'était comme Paris le 14 juillet, tellement ça pétardait. À partir des colonies, la zone d'interface entre les colonies et la bande de Gaza, c'était comme un puzzle. Et donc, ça tirait de gauche, de droite. J'ai un de mes élèves, d'ailleurs, Samir Jazi, qui a été tué comme ça chez lui pendant qu'il était en train de coucher sa fille. Enfin, c'était l'horreur. À partir du moment où les colonies ont été évacuées, eh bien, qu'il n'y ait plus de troupes israéliennes au sol, plus de checkpoints, on a commencé à respirer. Et en Cisjordanie, ils ne respirent pas. Ils ne respirent pas. J'ai des amis proches, par exemple, qui ont des enfants, et notamment des garçons entre 16, 18, 20 ans. C'est l'angoisse permanente de savoir si le jeune va rentrer chez lui le soir, s'il ne va pas être pris en chemin. Je suis allé, il y a un mois, j'étais encore à Gaza, et nous avons fait une halte à Jérusalem. J'avais un paquet avec des lunettes pour remettre à un médecin du camp de Choufat, à côté d'Israël. J'ai vu qu'il faisait la tête, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « j'ai mon frère qui a 49 ans, il vient d'être capturé par les Israéliens avec son fils ». Ils sont accusés d'avoir jeté des pierres. Vous imaginez, 49 ans, jeter des pierres, faut pas être... c'est complètement absurde. Bon, ben, ils vont passer au tribunal, et le tribunal, on sait comment ça se passe. Là, j'ai fait un petit bouquin sur les prisonniers palestiniens, où je raconte, à partir de témoignages, qu'on peut envoyer quelqu'un en prison à perpétuité en 10 minutes. Vous voyez, c'est l'arbitraire absolu. Et donc ça pèse sur la psychologie des gens en Cisjordanie. Donc ce bouquin, c'est L'échange, le soldat chalit et les Palestiniens, chez Éric Bonnier. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris, c'est pas un livre en général sur les prisonniers, parce que ça change tous les jours. Donc j'ai pris une période précise et un nombre de personnes précises, c'est-à-dire cet échange entre 1027 prisonniers et le soldat chalit, avec un livre qui a une double face, parce que ce soldat chalit, dès le premier jour, vous vous souvenez peut-être, Richard Anderlin nous a expliqué qu'il était français, que c'était un problème de diplomatie française. L'ambassadeur de France à Tel Aviv est tout de suite allé voir la famille pour montrer sa compassion pour ce kidnapping. Il a utilisé le mot kidnapping, et d'ailleurs, il a eu une belle carrière, cet ambassadeur, puisque maintenant il est ambassadeur de France aux Nations Unies. On voit à la fois toute la propagande française qui s'est développée, même internationale. D'ailleurs, les parents de Chalit ont été reçus par le président des États-Unis, le pape, que sais-je. Et de l'autre côté, les prisonniers palestiniens, j'ai eu un certain nombre de témoignages de première main où je les ai fait parler sur leurs antécédents, ce qu'ils avaient vécu, leur famille, vous voyez, tout ce qui amène souvent à entrer dans l'action. Et puis j'ai eu aussi des témoignages de première main sur la négociation d'échange qui a duré des années. Mon ami Mahmoud Zahar, c'était lui le chef des négociateurs, c'est lui qui a dirigé ça du début jusqu'à la fin. Ce mode opératoire dans la négociation est extrêmement intéressant, très intelligent, et c'est d'ailleurs le même qui a lieu aujourd'hui, puisque la dernière guerre, 2014, eh bien, après une guerre, il y a toujours des prisonniers ou des cadavres à échanger. Et actuellement, il y a une discussion en ce sens. Monsieur Oberlin, dans quel cadre s'inscrit votre action là-bas? Et quel projet concrètement vous soutenez? Quel projet politique? Quel projet sanitaire? Alors, le projet sanitaire, vous savez, sur le plan sanitaire, sur le plan médical, Gaza, c'est un... les chiffres de l'Organisation des Nations mondiale de la Santé le montrent, c'est un territoire où les gens ont un niveau médical moyen ou supérieur. Donc ça, peu de gens le savent, l'imaginent même. On fait à Gaza de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Ils font des congrès de chirurgie où il y a uniquement des chirurgiens de Gaza. Ils font des transplantations rénales à Gaza, ce qui veut dire qu'il y a non seulement le chirurgien pour suturer les trois tuyaux, mais il y a toute l'équipe médicale pour assurer le traitement contre le rejet à vie, vous voyez, donc c'est... Mais donc c'est... finalement, qui faites-vous? Voilà, exactement. Eh ben moi, je fais quelque chose, la même chose qu'en France, c'est quelque chose de très spécialisé à l'intérieur de la chirurgie orthopédique, mais quand j'ai assisté, j'y ai été plusieurs fois, à ces congrès Surgery in Palestine, où c'est très intéressant parce que c'est des congrès chirurgicaux où chaque spécialité présente l'état de la situation. Et j'ai été stupéfait de voir que dans toutes les spécialités chirurgicales, eh bien, ils étaient au point, avec des études comparatives, avec des publications, avec etc. Autrement dit, moi j'y vais d'abord pour continuer mon travail auprès de mes élèves et des patients, pour des choses compliquées. Ben, moi à Paris c'est pareil, vous savez, je suis une espèce d'entonnoir, je reçois des malades de toute la France et de l'étranger pour des trucs compliqués, des trucs qui marchent pas, des trucs... c'est toute la situation logique. Quand on est très spécialisé, ben, c'est qu'on n'est pas nombreux, vous voyez. Donc je fais la même chose là-bas. Mais il est clair, si vous voulez, qu'en tant que médecin, quand on voit arriver toute une famille complètement explosée et des tas de cadavres partout, portant le même nom de famille, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser à la prévention. Hein. La meilleure médecine, c'est la prévention. D'où une action politique qui me semble absolument indispensable. Monsieur Oberlin, vous êtes au bon endroit pour nous dire si l'armée israélienne, Tsahal, se rend coupable de crimes de guerre, par exemple en utilisant le phosphore blanc. Alors écoutez, pour parler des armes, ben, ça exige un haut niveau de compétence. c'est celui des spécialistes militaires ou pas que je ne suis pas. Alors, en tant que simple témoin, moi, ce que j'ai vu, effectivement, c'est que il y avait des armes différentes qui sont utilisées au fil du temps. Et en particulier, il y a eu un moment donné, je crois que ça a commencé vers 2008, où ils utilisaient des bombardements terribles avec des bombes qui vous perforaient les immeubles de haut en bas et puis qui arrivaient dans une pièce où il y a des gens réfugiés et tout le monde était amputé de cuisses bilatérales. Vous voyez, et ça, ça a été un choc terrible. Ils ont reçu des quantités de patients comme ça. Je ne sais pas de quel type d'arme ça... Mais bon, c'est quelque chose qu'on a constaté. Le phosphore blanc, ça a été documenté. OK. Il y a les obus à fléchettes aussi. Et je sais qu'actuellement, il y a une équipe d'avocats australiens, parce que ça fait partie des armes interdites, hein, les obus à fléchettes. Le phosphore, c'est interdit dans les zones urbaines. Donc tout ça, ça peut faire l'objet de plaintes pour crimes de guerre. Et il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours du côté de la Cour pénale internationale, énormément de témoignages qui sont arrivés, des actions. Donc tout ça, ça fonctionne. Mais pour répondre à votre question, il faut que... il y a des équipes indépendantes qui soient, et compétentes, ce que je ne suis pas, qui soient autorisées à entrer dans la bande de Gaza, ce qui n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation de non-droit total, puisque l'investigation indépendante n'est pas possible. Alors, à propos de couverture médiatique, je voulais avoir votre avis sur ce sujet, parce qu'on observe que nombre de journalistes sur place vont avoir... une position beaucoup plus objective que des journalistes français. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est Charles Ander Alain, qui a été persécuté pendant des années par un adjoint de la mairie de Neuilly pour l'affaire Aldoura, il me semble. Je connais bien, oui. Voilà. Un autre journaliste, Piotr Smolar, qui est correspondant à Jérusalem pour le quotidien Le Monde, qui a par exemple sorti une enquête très intéressante sur Marek Alter, où il expliquait ses liens avec le Mossad, enquête qui est parue dans la revue 21, à tel point que quand I24 News a été créé par le groupe de Patrick Drahi, ce sont des journalistes parisiens qui ont été envoyés, je pense à Paul Amar, Jean-Charles Banoun, qui officie auparavant sur France 2 ou sur Europe 1, pour assumer cette couverture ultra-sioniste. Ma question, la presse israélienne vous paraît-elle plus libre que la presse française sur ce sujet ? Là, je suis très très mal placé, parce que ça fait des années que je ne regarde plus la télévision, pour ces raisons. Je me suis désabonné au Monde il y a une dizaine d'années, vous voyez, après pas mal de décennies de lecture. Je ne lis plus aucun quotidien et je n'écoute plus les informations à la radio depuis des années et des années. Donc, je ne suis pas le... vous voyez, il y a des bons spécialistes. Je pense à Thomas Deltombe qui a fait un très bon livre sur la construction médiatique de l'islamophobie. Et c'est très documenté, vous voyez, il y a de la recherche. Moi, je ne suis pas bien placé pour parler de ça. J'ai été un petit peu glissé dans l'affaire Aldoura, je m'en suis retiré très vite parce que ça ne sentait pas très bon. Si vous pouvez nous en dire plus. Non, disons qu'on voulait faire de moi le spécialiste expert que je suis, effectivement, pour ce qui est arrivé au papa. Mais il y avait des choses qui ne me convenaient pas et donc j'ai arrêté tout de suite. Alors, vous dites que vous ne regardez plus la télé. Par contre, en 2004, vous étiez tête de liste Euro-Palestine. Racontez-nous cet engagement. Ça fait partie, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les militants, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la méthode. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui se secouent et qui se secouent de manière différente. Vous voyez, c'est comme les antibiotiques. Quand vous voulez un traitement efficace, vous prenez deux antibiotiques qui n'ont pas le même mode d'action et ça marche. Bon, je me souviens très bien, j'étais à Gaza au moment où je reçois un coup de fil. J'étais sur la côte en descendant vers Khan Younis. Ah, il y a des élections européennes. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien, il ne se passe rien. Si on faisait une liste euro-palestine, on n'a pas dit d'ailleurs euro-palestine, on a dit si on faisait une liste pro-palestinienne. Je dis, ça me semble une excellente idée, ça va être l'occasion de se montrer un petit peu. Et puis, on sera totalement boycotté sur le plan des médias françaises, mais on aura sûrement la presse internationale. Et donc, on s'est réunis à mon retour une huitaine de jours plus tard, et on a monté tout ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a eu la la salle de la presse étrangère à la maison de la radio, il y avait 35 médias étrangers qui étaient là. Donc ça a été très très regardé par nos amis palestiniens qui se sont sentis soutenus. Ça a été l'occasion de montrer qu'il y avait des régions en Île-de-France. On s'attaquait à l'Himalaya, je crois qu'il y avait 6 millions d'électeurs, c'était énorme. Il y a des bureaux de vote, on n'a même pas pu déposer une affiche, quoi, vous voyez. Donc c'était un travail colossal, mais très motivant. Et écoute, je regrette rien. Ça a été la fin de ma carrière hospitalo-universitaire, mais elle était déjà derrière moi. Je suis pas du tout un héros. Et d'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'il y a finalement beaucoup de gens qui s'engagent pour la Palestine à mon âge ou à l'âge que j'avais avant. Vous voyez, il y a des journalistes en poste à Jérusalem qui écrivent un bouquin le jour où ils sont à la retraite. Vous voyez, c'est ça qui est pas normal. Moi, ceux que j'admire. C'est les jeunes, et souvent je leur dis, attention, vous brûlez pas les ailes, vous n'êtes pas arrivé, vous êtes encore étudiant, vous n'avez pas encore un boulot, vous avez un boulot, mais bon, ne vous brûlez pas les ailes, il faut y aller mollo. Et quand il y a des gens de mon âge qui n'y vont pas mollo parce qu'ils n'ont rien à perdre, eh ben, je trouve ça très bien. Donc cette liste Euro-Palestine, je trouve que c'était une très bonne idée. Et à quelle occasion avez-vous rencontré Dieudonné ? Alors, Dieudonné, c'était l'occasion de cette liste. On ne s'est pas beaucoup vu, d'ailleurs, parce que, gentiment, il nous avait laissé son local, ce qui a été très bien. C'était un local de campagne formidable. Et puis, on a fait un meeting au Palais des Sports, et ça, c'était un grand moment, parce que moi, j'ai de l'admiration pour ces gens qui, je pense en particulier à Olivia Zemmour et Nicolas Chachani, qui ont pris sur eux d'organiser une campagne électorale dans toute l'Île-de-France, de louer le Palais des Sports, de faire de la communication, de faire venir 2500 personnes pour ça. On en était tous babas. Et il y a même eu des moments d'angoisse. Je me souviens, par exemple, quand vous louez le Palais des Sports, vous mettez en vente les tickets, par exemple, je ne sais pas, dans les Fnac ou les trucs comme ça. Puis, non, c'était pas pour l'Euro-Palestine, c'était pour un grand meeting qu'on a organisé. Bon, enfin bref, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas s'il va y avoir 500 personnes ou 15 000 personnes. Et on a fait 2 années de suite, si je me souviens bien, il faudrait vérifier, 2 ou 3, des meetings au Palais des Sports en dehors de la campagne, où il y a eu 10 000 personnes qui sont venues, vous voyez. On a vu l'intérêt de tous ces gens qui se massaient devant les librairies, les ventes de disques, de produits, dans tout ce qui est culturel, les bouquins, tout ça. Et ça nous a donné l'idée de faire un endroit, un lieu permanent où ces livres seraient à disposition, non pas quelque chose une fois par an. Autrement dit, il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, qui étaient très risquées au départ, et dont aujourd'hui on bénéficie à travers tous ces gens qui sont venus, qui continuent à venir. Je suis frappé de voir qu'à Euro-Palestine, il y a des jeunes très régulièrement, des nouveaux qui arrivent, des têtes qui changent. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et dans le militantisme, la durée, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors en plus de votre engagement à Euro-Palestine, vous avez aggravé votre cas en juin 2012 en soumettant comme question à vos étudiants dans le cadre des examens, la question suivante que je vais citer. Comment qualifier au cours de la guerre entre Israël et Gaza la mort par bombardement classique de 22 membres d'une même famille ? S'agit-il d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, d'un génocide ? Alors effectivement, dit comme ça, de façon brève, ça mérite d'être placé dans un contexte. Allez-y, vous en prie. Et ce contexte, eh bien, ça fait 30-40 ans que je circule à gauche, à droite pour essayer d'enseigner, de former des gens et de faire ce que je peux le mieux possible. Donc les étudiants le savent. Et par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la Centrafrique, du Centrafrique où j'avais fait ma coopération. Les étudiants sont venus me voir quand j'étais à Bichat en me disant « on veut faire une association humanitaire, donnez-nous des projets ». Je lui ai donné un certain nombre d'idées, dont celui d'aller régulièrement dans ce petit hôpital de Brousse qui est aujourd'hui dans une misère totale, parce que vous savez ce qui se passe en Centrafrique. La situation n'est pas meilleure qu'il y a 30 ans, quand j'y ai fait mon service militaire. D'ailleurs, beaucoup de migrants à Calais disent venir de Centrafrique. Absolument, absolument. Et donc la situation était catastrophique, elle l'est toujours, mais mes étudiants ont décidé d'y aller. Et ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont fait cette association et tous les étés, ils partent. Alors, ils partent, ils ne savent rien, ce sont des étudiants. Ce qui a changé là-bas, c'est qu'il y a des médecins centrafricains qui sont leurs maîtres, qui les font travailler, qui les critiquent, vous voyez. Donc, il y a une espèce de retournement de situation dans le sens favorable pour la Centrafrique. Et c'est surtout des étudiants qui reviennent en ayant ouvert les yeux. Ils ont vu de leurs yeux des accouchements dramatiques, ils ont vu des maladies dont ils croyaient que ça n'existait plus, ils ont vu des consultations de 300 enfants, etc. etc. Donc, au début, je me souviens très bien, les commissions pédagogiques de Bichat refusaient qu'il y ait des stages là-bas, en disant « ils ne vont rien apprendre, ils ne sont pas encadrés ». Mais c'est tout le contraire. Ils apprennent énormément en allant là-bas. Donc ça, c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée, c'est bien. Donc un jour, ils sont venus me voir en disant « il y a des certificats optionnels qui viennent de se créer. Faites un certificat de médecine humanitaire. » Bon, j'ai dit, oui, peut-être, pourquoi pas. Alors du coup, on m'a donné 20 heures. J'ai fait venir des orateurs dont certains étaient des gens absolument exceptionnels. Les étudiants s'en doutaient à peine. Des copains, des copines. Et ça a donné, sur les 20 heures, il y avait un cours de droit humanitaire. Imaginez d'aller faire de l'humanitaire dans des zones de guerre, de trucs, de machin. Il faut connaître les droits des victimes, un petit peu, un minimum. Il faut connaître les droits des soignants, les protections, un minimum. Donc il y a un excellent cours de droit humanitaire qui a été fait pendant des années. Et donc j'ai posé, et ce cours se déroulait de deux parties, c'était toujours très très interactif. Première partie, cours du prof, une heure, et après discussion avec les étudiants. Dans le cours de droit humanitaire, dans la première heure, on leur met en place la construction du droit humanitaire avec la bataille de Solferino, la Croix-Rouge, Henri Dunant, les conventions de Genève, etc., les protocoles additionnels. Deuxième partie, comme on fait en médecine et en droit, sûrement en économie, vraisemblablement, des cas réels. Les cas réels, vous avez, et c'est des cas qui sont des cas qui ont un nom, vous voyez, qui sont dans la littérature. Et parmi les cas qui avaient été traités en cours, un cas sur Gaza, tiré du rapport Goldstone, donc quelque chose de tout à fait documenté. Vous avez 22 corps, ça j'en ai vu, moi. Rapport de l'ONU. Rapport de l'ONU, de la même famille, voilà. Alors, on m'a critiqué sur le bombardement classique. Je dis à ceux qui me critiquaient, le président de l'université, le doyen, mais écoutez, vous ne pouvez pas me critiquer, venez au cours, parce que là, on voit que vous n'avez rien compris. Bombardement classique, ça veut dire un bombardement n'utilisant pas des armes interdites. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Bon. Ensuite, c'était une question parmi quatre questions, et c'était pas un QCM, on m'a reproché d'avoir fait un QCM. J'ai une anecdote, si vous avez une seconde, à ce propos, qui est assez rigolote. J'ai été invité une fois sur Radio J. Je me suis précipité. Justement, après cette question d'examen, je me suis précipité. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir parler. Dialoguer, parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Bon, j'ai dit d'accord, mais à condition que ça soit indirect. Oui, un direct, lundi, 13h, ok, pas de problème, bon. Et j'arrive, on lance le truc, 10 minutes. Très honnêtement, je ratatine le journaliste qui effectivement, ne pouvait pas argumenter, quoi. Et puis, je m'en vais. Et puis, en fait, c'était pas un direct, ça s'est jamais passé. Voilà, bon. Donc, cette question et à la fin de l'interview, justement, d'ailleurs, oui, c'est pour ça que j'en reviens à la QCM. Au début, il m'avait dit c'était une QCM. J'ai dit non, ce n'est pas une question à choix multiples. Il fallait que chaque étudiant discute, donne la définition d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, donne à chaque fois des arguments pour, des arguments contre. Et en particulier, un crime de guerre, c'est tuer des civils de manière intentionnel. Donc, intentionnel, Israël dit non, on n'a pas fait gaffe. Intentionnel, ça veut dire nécessité d'une enquête internationale indépendante, etc. etc. Et les étudiants, d'ailleurs, 80 sur 86, avaient très très bien répondu. Et j'explique tout ça à mon journaliste, je le ratatine par les mots, et à la fin, il me dit, au fond, vous êtes pour ou contre l'existence de l'État d'Israël. Donc, il me pose un QCM fermé à la fin de son interview. C'était assez rigolo. Mais d'ailleurs, c'est une excellente question. Vous me posez cette question. Ah ben, alors, la réponse que je lui avais faite, je lui ai dit, ça, c'est une question longue, ce n'est pas un QCM. Et si vous m'invitez pour parler une heure en débat, égalité de parole avec le président du CRIF, ou qui vous voulez, un journaliste, qui vous voulez, à ce moment-là, je viens et on en parlera. Pour répondre à votre question ici en vrai, je suis contre l'existence de l'État d'Israël dans sa forme actuelle. Et je pense même qu'à terme, et j'espère le plus tôt possible, mais il n'y aura qu'un seul État sur l'État de la Palestine historique, l'État de 1920, et un État avec l'égalité des droits. C'est-à-dire que ceux qui sont pour l'égalité des droits qui habitent aujourd'hui en Israël, eh ben, et ceux qui voudront rester, ils resteront. Ceux qui ne vont pas rester, ils ne resteront pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'avenir pour ces deux États qui ne feraient que pérenniser une situation d'injustice complète, aussi bien vis-à-vis des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, que ceux d'Israël, que ceux des camps de réfugiés. J'ai commencé une série de missions dans les camps de réfugiés du Liban. La situation là-bas est absolument explosive et il n'y a pas d'avenir dans cette région sans une décolonisation totale. Et je ne parle pas simplement des colonies de Cisjordanie, je parle d'une décolonisation totale où tout le monde pourra vivre ce qu'il le souhaite en bonne entente. Je n'ai par ailleurs jamais entendu de la part de mes amis de Gaza, en particulier des dirigeants du Hamas, la moindre formule parlant d'expulser qui que ce soit. Il n'est pas question d'expulser qui que ce soit. Je vous mets au défi de trouver chez ses responsables une déclaration en ce sens. La seule chose qu'ils réclament, c'est l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, les conséquences, c'est bien entendu la disparition d'un État à référence juive, c'est évident. D'autant plus que la croissance démographique de part et d'autre ne joue pas en la faveur d'Israël et rend la situation intenable à terme, et que par ailleurs, les politiques d'Alia ne fonctionnent, pour ainsi dire, pas, puisque les droits sociaux sont bien inférieurs en Israël qu'en France ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Alors, deux réponses à ces deux questions. Premièrement, plutôt à ce que vous avez dit. Premièrement, vous avez dit démographie à long terme. Non. Aujourd'hui, sur le territoire de la Palestine historique, sur le territoire où Israël exerce une souveraineté militaire implacable, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de 67, plus le plateau du Golan, plus la Cisjordanie, plus Gaza, les Palestiniens sont majoritaires. Aujourd'hui, les Palestiniens sur les territoires de la Palestine sont majoritaires. Donc, ce n'est pas pour demain. C'est pas Et ceux qui en parlent pour demain ou à long terme, à mon avis, sont relativement contre-productifs parce qu'ils expliquent que le problème, ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Non, le problème, c'est aujourd'hui. Une précision intéressante. C'est les chiffres des statistiques israéliennes, de la CIA, etc. Voilà. La deuxième chose, la politique d'Alia, c'est une politique, là aussi, qui prend haut de toutes parts. Je connais des personnes qui ont par leurs activités professionnelles, qui sont en contact avec des jeunes, qu'on travaille au cerveau pour aller faire des stages dans l'armée israélienne l'été, des mineurs, ça existe. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de chercher loin. D'ailleurs, il y a la publicité pour Internet, hein, donc vous allez la trouver très facilement. Il y a des gens qui vont probablement même commettre des crimes de guerre. Si vous faites la statistique des franco-israéliens, des hommes, des ceux qui sont dans les avions et des guerres, moi je me souviens quand j'étais sous les bombes, je me disais, il y a toutes les chances qu'il y ait un Français qui soit en train de me bombarder, vous voyez, bon. Tout ça, ce sont des choses qui pèsent sur la mentalité des jeunes, que ce soit ceux qu'on essaye d'attirer en Israël ou ceux qui y sont. Et le résultat, il est désastreux sur le plan psychologique. C'est affreux. Donc ça explique complètement que cette politique ne marche pas et ne marchera pas. Et deux remarques. La première, il y a un nombre innombrable de cas de jeunes Français ou de jeunes Américains ou de jeunes Britanniques qui partent en Israël, la fleur au fusil, qui font leur service militaire et qui pètent littéralement un câble et qu'on va retrouver drogués au Mexique des années après. Il y a un nombre énorme de cas. Et deuxième remarque, servir sous un uniforme étranger est passible de déchéance de la nationalité en France si la loi était appliquée. Oui, non, mais on marche sur la tête dans cette affaire, oui. Alors, revenons sur cette affaire de la question. Vous avez été donc au centre d'une polémique, puisqu'a été déclenchée ensuite une procédure disciplinaire contre vous. Oui, alors c'est pour ça que la procédure n'est pas finie. En France, les procédures sont toujours très longues, surtout quand on s'acharne, et c'est moi qui m'acharne en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs procédures. Il y a une procédure universitaire, on a fait une enquête, et un an après, j'ai demandé les résultats de l'enquête au président de l'université, au doyen, à l'administration. Ils m'ont dit « on ne sait pas ». Vous voyez, un an après, on ne sait pas. Alors qu'ils avaient ameuté la presse, je me souviens, j'étais à l'étranger quand tout ça est parti. Je suis revenu le dimanche soir, ma femme était affolée. Toutes les radios, toutes les télévisions avaient dit mon nom et tout le mal qu'ils pensaient de moi. Pour une question dans un examen, mais c'est absolument extraordinaire. Absolument, c'est unique, je crois. Et donc un an après, ils se sont tous, même pas déculottés, puisqu'on dit on ne sait pas. Alors je suis allé à l'université, j'ai ouvert mon dossier administratif, il n'y avait rien, il n'y avait pas la moindre trace, voilà, bon, ils sont très courageux. Et puis, du côté du Conseil de l'Ordre, alors il y a quelqu'un qui, pour lequel j'avais une certaine estime, puisque c'est professeur Hayat, professeur de cardiologie retraité aujourd'hui. Quand j'étais interne, c'était pas hier, j'utilisais ces questions pour préparer l'internat, donc voilà, il doit avoir 5-10 ans de plus que moi. Et il est président de l'Association des médecins israélites de France. Et voilà que le professeur Hayat porte plainte contre moi pour cette fameuse question d'examen auprès du conseiller de l'ordre. Alors, première chose, l'Association des médecins israélites de France, c'est quand même une association où dans les statuts, il y a marqué « nous sommes apolitiques ». Et puis, dans la même page, il y a marqué « nous invitons les plus grandes personnalités politiques du monde contemporain à venir discuter avec nous ». Bon, c'est un peu curieux. Et puis la page suivante, il y a marqué qu'ils sont membres du CRIF, où ils ont 3 postes, etc. Bon, donc une association, et il y a marqué aussi dans les objectifs, défense d'Israël sur tous les fronts. C'est écrit comme ça, défense d'Israël sur tous les fronts. Voyez. Donc déjà, ça pose une question, est-ce qu'une association médicale française peut se donner comme objectif la défense d'un État étranger, un État sur tous les fronts, bah, qui est actuellement sur le front de la Cour pénale internationale, quand même, donc qui est quand même sérieusement menacé, en tout cas ses dirigeants. Eh bien, ce monsieur, il porte plainte contre moi. Première anomalie, ou deuxième anomalie, lorsqu'un médecin porte plainte contre un médecin, dans la déontologie médicale, il faut organiser une réunion de conciliation. On discute, voilà. Alors, comme M. Hayat avait sans doute la trouille de venir discuter avec moi, eh bien, on a transformé sa lettre de plainte en lettre de doléance. On a dit, non, c'est pas une plainte, c'est une doléance, c'est un signalement. Alors, s'il n'y a pas de plainte, ben, normalement, ça s'arrête. Eh bien, non. La plainte a été reprise au nom du Conseil de l'Ordre par la présidente de la Chambre disciplinaire. C'est-à-dire que c'est les 200 000 médecins français qui sont représentés là et qui portent plainte contre moi. Donc, c'est une instrumentalisation qui est complètement folle. Et c'est d'autant plus choquant. Et là, j'ai été jugé, entre guillemets, il y a un an et demi, je crois, pour une affaire... Voilà, c'est ça. Pour une affaire remontant à 2012, vous voyez, ils ne sont pas pressés. Et au moment de la première instance, avec mon avocate, Metna Katineh, on a été très soft parce qu'on s'est dit, là, Madame Khan Ben Saoud a pris une initiative désastreuse pour le Conseil de l'Ordre. On va expliquer aux juges et au président que, bon, on ne leur en veut pas, mais bon, faut qu'ils arrêtent. Parce que Madame Khan Ben Saoud, c'est quand même quelqu'un, et il y a un excellent livre que je vous signale, c'est le livre de René Chiche qui s'appelle « Enquête sur les mandarins de la médecine ». C'est un livre qui est percutant et qui nous raconte, par exemple, que Madame Khan Ben Saoud, alors qu'elle était vice-présidente de la Chambre disciplinaire, pendant des années, elle recevait des plaintes de femmes qui étaient agressées sexuellement par un médecin, gynécologue, violées parfois même. Et Madame Khan Ben, le docteur Azout, André Azout, qui était spécialiste d'infertilité, je crois. Et Madame Khan Ben Saoud mettait les plaintes sous le coude. Pendant des années, les premiers signalements, les premiers faits, ça remontait aux années 80. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en agressant les femmes sexuellement. Madame Khan Ben Saoud mettait ça sous le coude. Un jour, il y a un médecin qui a été, dont la femme a été violée par le docteur Azout. Le médecin porte plainte contre son confrère au Conseil de l'Ordre. Et Madame Cannes-Bessin-Aude, au nom du Conseil de l'Ordre, porte plainte contre ce médecin en diffamation et le fait condamner à un blâme et 400 € d'amende. Et Madame Cannes-Bessin-Aude est toujours là. Et puis, je crois que c'est l'année d'après ou 2 ans après, cette histoire, ça se finit aux assises, parce que les viols, dans le droit français, c'est un crime. Le crime est jugé aux assises. Le docteur Azout est jugé, il est en prison pour 8 ans. Et Madame Cannes-Bessin-Aude est toujours là. Et c'est elle qui ose porter plainte contre moi pour une entorse à la déontologie. Vous voyez, donc là, on est dans une instrumentalisation complètement folle et on aurait tort de ne pas la dénoncer. On a été très courtois avec mon avocat en première instance, mais je peux vous dire qu'en deuxième instance, ils ont mis encore 1 an et demi à réfléchir. Ça s'est passé il y a moins de 2 mois, 6 semaines à peu près. En deuxième instance, on a été beaucoup plus agressif contre le Conseil de l'Ordre et on a dénoncé cette instrumentalisation absolument intolérable. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le lobbyionniste s'étend jusqu'au Conseil de l'Ordre. Ah bien sûr, ça, dans l'occurrence, y a des personnes et c'est pour ça qu'il ne faut pas se cacher, il faut désigner les personnes et là, Madame Cannes-Bessin-Aude, nous l'avons désignée. Pour nos auditeurs, quelle était l'origine de cette procédure contre vous, là, celle de 2012-15? Alors, l'origine, elle était double, en fait. Il y avait la plainte du professeur Hayat, transformée en doléance pour la question d'examen. Et puis, il y avait un email anonyme, ou anonymisé, je ne sais pas, où l'on me reprochait d'avoir fait une vidéo soutenant le droit à l'expression de Dieudonné. Vous vous souvenez, l'affaire, il avait un zénith, je crois, à Nantes. Le préfet interdit son spectacle. Le tribunal administratif contredit le préfet, autorise le spectacle. Et M. Valls, dans l'heure qui suit, saisit un conseiller d'État qui, en 30 minutes, interdit à nouveau le spectacle. Donc là, j'ai fait une vidéo. J'ai profité de cette vidéo parce que, vous voyez, les gens n'ont pas le courage, ou plutôt ils ont la trouille, ce que je peux comprendre, d'utiliser certains mots, vous voyez. Mais il faut avoir le courage d'utiliser le mot Israël, même si dans les rédactions, tout le monde sursaute. Il faut avoir le courage d'utiliser le mot juif, en disant bien de quoi il s'agit. Il faut avoir le courage de prononcer le mot sionisme, en disant bien de quoi il s'agit. Et ce qu'on reprochait globalement à Dieudonné, un supposé antisémitisme, eh bien, j'ai fait une démonstration. J'ai dit, vous savez, on accuse souvent les Palestiniens d'être antisémites. C'est absolument infâme. C'est infâme, mais est-ce qu'on traîne devant les tribunaux les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les Américains, vous voyez ? En ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent « je n'aime pas les Américains ». Ça veut dire, bien entendu, qu'on ne déteste pas chaque Américain. Mais l'image que nous donne l'Amérique, depuis des décennies, avec ses guerres perpétuelles, avec ses millions de morts, vous voyez, je crois qu'on a le droit de dire, de toute façon, on a le droit de s'exprimer, mais on a même le droit de penser qu'on n'aime pas les Américains. Quand je reprenais l'exemple des Corses, les gens qui disent « j'aime pas les Corses ». Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine image de xénophobie qui flotte sur la Corse. C'est pas très bien de le dire, c'est pas très intelligent. Il y a des Corses hyper sympathiques. Mais quand quelqu'un dit « j'aime pas les Corses », on va pas le traîner devant les tribunaux. Voilà. Et donc, j'ai expliqué que traiter les Palestiniens d'antisémites, sous prétexte qu'ils disaient qu'ils n'aimaient pas les Juifs, parce que c'est vrai que là-bas, ils parlent du sionisme, mais l'ennemi, celui qui bombarde, celui qui a un État réservé à son groupe philosophique ou culturel, c'est l'État juif. Voilà. Donc dire que quand ils n'aiment pas les Juifs, ce sont des antisémites, c'est monstrueux, surtout dans la position où ils sont. Et j'ai expliqué, j'ai conclu en disant que c'était ça le message de Dieudonné. Ce que n'aime pas sans doute Dieudonné, ce sont les juifs racistes, et j'approuve, je n'aime pas les juifs racistes. Voilà. Et donc ça, si vous prenez une petite phrase tirée de ce long discours, eh bien, vous le mettez sur la table et vous dites antisémitisme. Sauf que, le Conseil de l'Ordre, eh bien, a porté plainte auprès du défenseur des droits. Le défenseur des droits, par contre, ça a une certaine valeur juridique. C'est des vrais magistrats, c'est des gens qui sont appointés par l'État pour faire appliquer le droit, vous voyez, pour ne pas encombrer les tribunaux. Défenseur des droits, c'est pour lutter contre les discriminations. Vous n'êtes pas embauché parce que vous n'avez pas la tête qu'il faut, je ne sais pas quoi. bon, votre nom ne convient pas, défenseur des droits. Et ils jugent. Et ils font un très bon boulot. Et d'ailleurs, c'est Jacques Toubon, qui est quelqu'un de droite, qui fait un boulot absolument extraordinaire. Vous voyez, on regrette que Toubon ne se soit pas réveillé il y a 20 ans, parce que c'était un vrai leader avec les idées qu'il a aujourd'hui, des idées un peu transcourantes, vous voyez. Bon. Ben, le défenseur des droits, il a dit que passez votre chemin, le docteur Oberlin dit ce qu'il veut, il n'y a rien à dire, vous voyez. Et bien que le défenseur des droits ait retoqué le Conseil de l'Ordre, il persiste, vous voyez. Donc on voit qu'il y a un culot absolument incroyable, et avec d'ailleurs une avocate, je ne lui reproche pas, elle fait ce qu'elle veut, les avocats défendent qui veut, hein. Vergès a défendu Barbie, ok, c'est dans l'ordre des choses. Ben, l'avocate du Conseil de l'Ordre dans cette affaire, c'est l'avocate du CRIF. Vous voyez, bon, je leur ai dit l'autre jour en riant, je leur ai dit, écoutez, quand même, vous auriez pu être un peu plus adroit quand même, un peu plus fin, pour ne pas prendre l'avocate du CRIF. Et l'avocate du CRIF, d'ailleurs, elle a été très mauvaise, mais ce n'est pas une attaque personnelle dans sa plaidoirie. Ce n'est pas du tout une attaque personnelle. Bon, au contraire, j'ai apprécié qu'elle soit là. En première instance, elle avait envoyé une stagiaire. Je me suis dit, ça, ce n'est pas très bien, ce n'est pas très courageux. La deuxième fois, elle était là. Et elle a fait une plaidoirie où elle était complètement sèche. Elle n'avait rien à dire. Elle ne pouvait rien dire en droit. Elle avait étalé ses papiers, il y en avait sur toute la table, mais elle était incapable. À certains moments, même, elle s'est arrêtée, elle a bu un verre d'eau, elle ne savait plus quoi dire. Voilà. Et je ne crois pas que c'était une mauvaise avocate, mais tout simplement, elle avait un dossier pourri. On lui demandait de faire un travail. Ce n'était pas possible, vous voyez. Bon. Et donc, on s'en est payé une tranche quand même. Avec mon avocat, on l'entendait, on disait, mais elle est en train de s'enfoncer. Voilà. Bon. Attendons la suite. Et donc vous, à cette occasion, vous avez déclaré « J'assume complètement ce que je viens de vous dire et je prétends même continuer ». Oui, j'aurais dit ça, bien sûr, oui. D'accord, et donc là, cette audience s'est produite il y a un mois et demi, c'est ça ? À peu près, oui. Et on attend le... Voilà, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. D'accord. Xavier ? Vous aggravez encore votre cas en venant à l'heure la plus sombre. Non, je n'aggrave pas mon cas, je m'exprime, parce que il y a qu'en s'exprimant pas... qu'on vous fait, on vous met n'importe quoi dans vos paroles, vous voyez, dans la bouche, quoi. C'est... De toute façon, si j'étais venu aujourd'hui à Radio J, j'aurais dit la même chose. Malheureusement, ils ne m'invitent pas, vous voyez. Christophe Oberlin, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci Vincent. Et puis merci pour votre engagement. On vous souhaite bon courage, hein, du fond du cœur. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Marine Balov. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.